ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé, à la croix, où je reçus le pardon. Partout de mon cœur est ôté. Oh oui, je ne crains plus, car je suis racheté. Et je chante à celui qui m'a sauvé. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de miséricorde encore une fois, pour t'adorer, te glorifier, te vénérer, pour te dire merci de ce grand privilège que tu accordes à nos âmes de nous rassembler au nom de Jésus-Christ. Sachant qu'il viendra un temps où de telles réunions ne seront plus autorisées par les détenteurs de pouvoir temporel, sous l'instigation de la bête, le pouvoir satanique. Nos lieux de réunion de prière seront carrément scellés et militarisés pour ne permettre à aucun croyant, aucun chrétien de venir recueillir ni t'adorer à ces endroits-là. Nous savons, Seigneur, que c'est un reproche. Parce que l'écuménisme se développe. Les signes des temps se multiplient. Bientôt sera le boycott. Mais avant qu'on en arrive là, Seigneur, tu nous donnes encore ces occasions finales où nous pouvons librement nous rassembler et t'invoquer ensemble, t'écouter ensemble, te louer ensemble, te servir ensemble. Oh, combien c'est précieux pour nos âmes. Ne laisse aucun de nous être distrait. Se mettant en tête que les choses continueront indéfiniment comme ça. Mais que chacun soit conséquent. Racheter le temps. Et se ranger du côté de Jésus-Christ. Faire la bonne réserve de la parole à l'intérieur. Parole qui les soutiendra à l'heure de l'épreuve fatidique. Pour ne pas succomber dans les tentations. Mais surmonter tout ce qui surgira. Sois le secours pour chaque frère. Amen. Et sois le secours pour chaque sœur, Seigneur. Sois le secours pour ton église, ici et ailleurs. Que chacun s'approche à toi. Que chacun se purifie chaque jour. Que nous nous séparions des choses du monde. Détruire des saintetés de la terre. Pour refléter la crainte de Dieu. Être des personnes dignes de confiance. Que le Saint-Esprit pourra utiliser, remplir, bénir, conduire, changer pour la gloire du Seigneur. Exauce nos prières et parle à chacun de nous maintenant. Alors que ce thème évolue vers sa fin, dimanche du Saint-Esprit ôte toute pierre d'achoppement sur le chemin et éveille nos cœurs au-dedans de nous à s'apprêter. Heure après heure, jour après jour, pour recevoir ta visitation. Et que tu puisses remplir l'espace vide qu'il y a au-dedans de nous. C'est la puissance du Saint-Esprit, du Saint de Dieu. Et que nous devenions la propriété privée du Seigneur Dieu de notre Père. Et que l'ennemi qui tourmentait, qui pouvait vouloir égarer, perde toute grâce et toute emprise sur nous. Nous avons conscience que toi qui as commencé l'œuvre, tu es fidèle pour l'achever. Et tu confirmeras ta parole chaque fois pour quiconque croit. Viens au secours de notre faiblesse, de nos infirmités, de nos maladies, de nos tentations, et soit la force pour chacun de nous. Chaque jour, prions en tout lieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'évangile selon Jean. À trois endroits, chapitre 16, Molongwa, verset 7 à 11, et après nous irons au chapitre 3, pour lire le verset 16 à 21, après nous irons également au chapitre 9, Jean toujours, pour lire le verset 39 à 41. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Wete soko na kolongwa te musungi akuyela bino te. Kasi soko na kukenda na kutinde ye ipai na bino. Ekuya ye akupame laba mokili na tina na masumu pe na tina na boyenge bene. Pe na tina na kusambi sama. Na tina na masumu zambi bandiminga ike. Na tina na boyenge bene zambi na kukende ipai na tatampe bokomona lisusunga ike. Na tina na kusambi sama nzambi mokolo na mokili oyo asili kusambi sama. Jean chapitre 3, Yohane mokapa misato, verset 16 à 21. Longo ya azomi na motoba kino tukumi bale na moko. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Wetenzambe alingaki mokili na motindo boyete apesi mwana na ina likinda na ye. Ete moto na moto oyo akondima ye, abebi samate kasi ete ajala na bomoi na seko. Wete nzambe atindi mwana na ye kati na mokili ete asambe sa mokili te, kasi ete mokili ebika pona ye. Oyo ajali kondima ye ako sambi sama te. Oyo ajali kondima ye te asili kosambi sama. Na ino, wete andimi kombo na mwana na likinda na nzambe te. Kosambi sama ejali boye ete moyo esili kuinge la kati na mokili nde, bato baponi molili liboso na moyi. Wete misala na bango ijali mabe. Zambi moto na moto oyo ajali kosala na yauli aini moyi. Pe akoyaka epai na moi te ete misala na ye mi yebisama te nde ye oyo ajali kosala sembo akoya epai na moi ete misala na ye mimonisama ete misala mi kati na Nzambe. Jean chapitre 9 Yohane mokapo ya libwa verset 39 à 41 molongo ya tukumi sato na libwa kino tukumi na ina moko. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Yesu alobi ete na ye na mokili mpona kosambisa ete baoyo bajali komona te bamona mpe baoyo bajali komona bakufa miso. Mafarisayo mosusu baoyo bajalaki na ye elongo bayoki makambo yango mpe balobi na ye ete biso mpe tokufi miso. Yesu alobi na bango ete soko bokufi miso mbe bojali na masumu te nde awa ezali bino koloba ete tomoni bongo lisumu na bino eumeli. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambo ya botanga eloba na ye. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Okovanda na kombo ya Yesu Kristo. Nous allons poursuivre la prédication de l'évangile. Tokokoba litera ya sango malamu. Sur le thème du baptême du Saint-Esprit. Kolola mama likambo na biso alibatisa Molimo Mosantu. Et la question biblique. Et mutuna oyo ya Biblia. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Ona nini Molimo Mosantu esili kopesama? Et nous sommes en train de méditer sur la troisième réponse. Ezali komanola na yano ya misato. La troisième et dernière réponse. Et yano ya misato pe oyo ya suka. C'est pour convaincre le monde. Ezali pona kondimisa mokili. Concernant le péché, la justice et le jugement. Et depuis le mercredi de la semaine passée, nous avons essayé d'exploiter le premier sous-aspect. On a parlé du Saint-Esprit convaincant le monde. Concernant la justice. Au sujet de la justice. Mercredi, on a effleuré cela. La troisième partie de la même méditation. Parlant autour de la justice. Bon, nous essayons d'abréger. C'est ainsi que ça va comme ça va là. Nous prenons des formes trop classiques de l'enseignement pour ça va prendre beaucoup de temps. Et tel que la conduite se présente déjà, il y a d'autres prédicateurs qui viennent. Et nous serons encore édifiés. Alors, nous nous laissons conduire à la maison de Dieu, même à d'autres occasions. Certaines sous-pensées peuvent revenir comme des grands sujets. Et nous pourrons approfondir encore. Dieu voulant, est-ce que vous aimez votre maison? L'église, maison, votre maison. Que Dieu soit loué pour votre maison. La maison de Dieu est votre maison aussi. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous poursuivons. Comme la pensée de la justice a été fleurée quand même. Nous avons vu le rôle des prophètes dans l'exercice de la justice de Dieu. Dimanche dernier, nous avons vu la place de Jésus-Christ lui-même qui a été fait justice pour nous et qui nous garantit qu'il fera justice, il fera promptement justice à ses lui qui crie à lui jour et nuit. Béni soit le nom du Seigneur pour sa fidélité. Alors maintenant, ce soir, nous allons essayer un peu de parler autour du jugement. Saint-Esprit a été envoyé également pour convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Vous savez que dans Hébreux chapitre 6e, la parole avait parlé des rudiments de l'évangile, des choses élémentaires de la parole. Le verset 1 et 2. Pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Boyekotika makambo mike mike na liboso na Mateo na Kristo pe koleka kino suka. Totika na ino kotia moboko na kubongwana na motema longwa na misala na kufa mpe kondima Nzambe. Pe Mateo na bisekweli. Oui, verset 2. Na bisekweli pe kotia maboko mpe kosekwa na kufa mpe esambiseli na seko. Donc, ici, l'apôtre Paul met dans les ABC de l'évangile le rudiment vraiment de l'évangile, le point doctrinaux élémentaire de l'évangile. Il explique ce point-là pour lequel on doit poser le fondement au début de la foi. Quand nous venons croire l'évangile, nous embrassons le message de Christ. Il y a des points doctrinaux élémentaires. Aucun chrétien ne devrait ignorer. Parce que nous devons maîtriser parce que ce sont les rudiments de l'évangile. C'est le fondement du départ. Des choses à connaître absolument. Donc il faut avoir une idée, peut-être Avoir vraiment une idée, c'est ça. Donc quand on pose la question à chacun de vous, chrétien, vous pouvez répondre immédiatement. La parole dit ceci. Voilà. En bref, en un mot, sans poser de nouveau le fondement. C'est-à-dire que le fondement a déjà été posé. Maintenant, nous exhortons à tendre vers ce qui est parfait. À courir vers la perfection. Il ne faut pas que vous montriez de l'intérêt pour ce qui est parfait, et entre-temps, les rudiments, les ABC de l'évangile, soit négligé, que ce soit ignoré. Vous voulez parler des grands mystères du royaume de Dieu. Les grandes manifestations. Les grands programmes. Mais connaissez-vous les ABC? Les uns cherchent à savoir le ministère du Fils de l'homme. Promis au temps de la fin. Luc 17:30. Et plusieurs ont suivi son message avec des annonces pareilles. Et par cupidité et par connaissance, ils se sont fait brillants. Ils ont fait spécialité de leur foi. L'ikolo ya makambo bango basali eti makambo o bango yedi mingi kati ya kondima na bango. On passe dans des histoires comme ça. Mais quand vous lui posez les questions sur l'ABC de l'évangile, le point de départ de la parole, il est complètement déboussolé. Mais comment êtes-vous arrivé là pendant que les fondamentaux n'existent pas? Est-ce par un tour de magie ou par un saut sorcellerique que Dieu a contourné le chemin normal de Dieu pour arriver au sommet de l'arbre parlant de fruits sans connaître les racines? Et Dieu nous aide chaque jour afin que l'expérience de chacun soit vraiment la plus conforme à la parole possible. libiki ya moko na moko na moko ekokana na liloba ezala oye kokani peza na liloba na nzambe ezala teka libiki na komi mokristo j'ai des expériences mais ça doit être conforme à la parole esengeli ekokana na liloba car Dieu n'agit que selon sa parole pour être nzambe asalaka bobele kulande la liloba oye vous ne pouvez pas vous attendre à tricher à frauder vous pouvez commis de la terre ou d'une saliba vous tirez d'affaires avec vous vous devez suivre le plan du Seigneur vous devez suivre le plan du Seigneur la voie qu'il a tracé c'est là où il a tracé il faut que tout soit facile les alliés ont des bases va se mettre au léka les fondamentaux sont ici ma cambo est bandit les alliés la première des choses c'est le renoncement aux œuvres mortes les alliés qu'on voit à misala quand nous venons à Christ, nous devons d'abord renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres des ténèbres, aux actes du péché. C'est notre premier point doctrinal. Le renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire que celui qui croit l'évangile doit renoncer aux œuvres mortes. Doit renoncer à tout acte de péché. Renoncer veut dire renoncer. Se séparer. Haïr et se séparer. Donc, si tu commences vraiment par là, c'est que ce fondement est bien posé dès le départ. Je ne pense pas qu'on aurait dans l'église des gens qui contesteraient la correction de la parole. Et qu'il faut le nom de frères ou de frères, on les tire pas dans le mal, quand la parole blâme, lui se fâche. Si ce fondement est vraiment là, on n'aurait pas de pareils gens qui se mettraient à discuter pour avoir raison dans le péché. Êtes-vous là? Vous allez voir? Mais nous en avons dans nos églises. Nous allons à Bangkok dans mon parce que plusieurs sont venus dans l'église. Et ont préféré frauder, tricher, au lieu de suivre les programmes du Seigneur. Il a déjà été baptisé, mais il n'a jamais renoncé aux œuvres mortes. Il reprenait une fois dans le mal, présentait lui la parole, et regardait sa réaction. Quelqu'un qui a renoncé aux œuvres mortes, chaque fois que ces œuvres mortes seront condamnées par la parole, lui aussi les condamnera avec il n'y a ni débat, ni résistance. Le mal reste mal. Nous avons écrit l'évangile pour refuser le mal. Qui dit amen? Qui dit amen? Qui dit amen? Et le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. Au sujet du péché, on viendra au péché. Au sujet de la justice, on va pleurer cela. Et au sujet du jugement, donc quelque part, il faut que les croyants qui sont déjà qui ont quitté la sphère du monde, qui sont venus dans l'église, démontrent que Dieu les a déjà convaincus. Parce qu'il les a sortis des cercles du monde pour le mettre déjà dans sa maison. Et au sujet du péché, il y a plus de discussions. Au sujet de la justice, il y a plus de débats. Au sujet du jugement, ils auront un jugement correct. Ils ne jugeront tout par la parole et après la parole. Qui dit amen? Nana le Zalibongo. Quand c'est pas le cas, et qu'on en est encore à ce stade là, c'est qu'en réalité cette personne n'a pas encore quitté le monde. C'est encore un mondain, mais qui a fait juste un déplacement vers un endroit appelé église. Auquel il a prétendu adhérer. Il est encore un mondain tout fait. Et il fait partie du nombre de ce que le Saint-Esprit doit encore convaincre. Au sujet du péché, au sujet de la justice, et au sujet du jugement. Le Seigneur n'a pas dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra l'église. En ce qui concerne la justice, le péché et le jugement. Ce n'est pas l'église fallait convaincre. C'est le monde des idéaux. Mais l'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont appelés à sortir hors du monde. Ce que Dieu a soutiré du monde, il a retiré du monde pour faire sa maison. C'est que les fondamentaux sont déjà réglés. Ils n'ont plus de problème quand il faut identifier un péché. Ils n'ont plus de problème quand il faut savoir qu'est-ce qui est juste devant Dieu. Ils n'ont plus de problème pour juger entre le bien et le mal. Parce que dès le départ, le Seigneur qui les a visités a posé les fondamentaux. Le premier point dans les fondamentaux, pour ceux qui deviennent croyants, c'est qu'ils renoncent aux œuvres mortes. Renoncement. Donc s'il se trouve que tu étais déjà croyant, membre de l'église, dite chrétienne ou chrétienne, mais que par la grâce de Dieu, la parole vient à toi et elle reproche un certain comportement. Elle dénonce un péché qu'il y a à toi. Tu vas tellement les regretter. Pourquoi? Parce que le niveau où tu es déjà arrivé est celui où aucun mal ne devrait plus être trouvé chez toi. Mais ce que la parole t'est d'avoir qu'il y a encore du mal chez toi, ça te donne du remords, des regrets. Parce que tu constates que tu es encore un pas en arrière, un pas en retard, par rapport à l'identité que le Seigneur a espéré te donner. Voilà les personnes appelées du Seigneur, en qui la semence du renoncement aux œuvres mortes a été posée à la bonne place. Amen. Ça leur donne une ligne de conduite, une manière de réagir. Une sorte de vie spirituelle. Donc pour ceux qui ont renoncé aux œuvres mortes, vous ne pouvez plus les retrouver en train de s'accrocher aux œuvres mortes, de se défendre aux yeux de leurs œuvres mortes, de s'y accrocher. Non. J'espère que quelqu'un est en train de se rattraper. Amen. Moi qui a pris l'habitude de dire dans cette église, est-ce que je suis le seul qui fait le mal? Tu n'es pas venu pour te comparer aux autres. Tu as été appelé par le Seigneur de la parole. Et il a dit que celui ton effet modèle. Tu te compareras à Jésus-Christ. L'homme parfait, irréprochable. Donc il ne va pas dire un tel Et quelqu'un sera temps. Amen. Moko, asila konzong, ginzong, sanasika. Tu avais couru si vite que tu es déjà même baptisé. Atao, kimakimbango, silikobata manamai. Mais si ce fondement du renoncement aux œuvres mortes, soki moboko ya koboya misala ya kufa, n'a pas été posé correctement, kiama kinesika na moto na olege bongi, il n'est pas trop tard, yakolobela bino tango silikolekate, de reprendre ta vie, yakozongela bomo na we ya molemo, il n'est pas trop tard de rectifier le tango silike pona kobongisa makambo, il est possible de changer les choses. Eko kosale makobongo la makambo. Parce que tant que tu viens encore et qu'il y a la grâce de Dieu qui peut toucher ton cœur, nous allons tirer profit. Nous allons tirer profit. Nous allons tirer profit. Êtes-vous là? Les renoncements aux œuvres mortes. C'est C'est un des premiers points doctrinaux. Et l'apôtre Paul qui est envoyé avec nous les gens de nation, il a dit ça. C'est fondement là, ne cherchez pas ce que nous puissions les poser de nouveau. Mais pour ceux qui ont raté ces fondements, on a nous sommes dans la prédication de l'évangile. Nous prêchons l'évangile du salut. Nous allons poser à nouveau ces fondements. Pour remettre la brique au bon endroit. On a posongi sa brique de sikala. Monsieur, madame, tu es devenu frère. Mais pourquoi tu continues à être une pierre dans son monde? Pourquoi ta vie continue à scandaliser les autres? Alors que tu devrais être une pierre d'édification. Un sujet d'édification pour les autres. Un bon exemple à suivre. Pour les faibles et les faiblards. Que ta vie soit une prédication modèle. C'est ça qu'il y a. Yangon des alliés. Mais si on constate que c'est l'un ou l'autre, le fondement n'a pas été posé, il n'y a pas de soucis. On peut les reposer. Comme Paul a dit aux Philippiens, je ne m'élance pas de vous dire les mêmes choses, de vous répéter les mêmes choses, car cela est pour vous salutaire. Quand c'est salutaire, on ne va pas dire, c'est déjà fait. Nous y reviendrons. Nous insisterons. Il ne va pas dire, oh non, bon, nous commandons, on ne va pas dire, est-ce que nous avons dit merci à bon, il y a des niveaux spirituels, il y a des gens qui sont là. Attends, il y a aussi maîtrisé pour Oyona Oyokuna. Mais nous avons dit pata pata nanu, n'a renoncement aux œuvres mortes. Aussi, il y a bon mot, il y a des gens qui sont là. Il n'y a pas de pour être capable de courir vers la perfection. Parce que tu ne vas jamais te mettre en chemin vers la perfection sans que les fondamentaux ne soit d'abord à l'espace. Donc, comme ça, nous allons dire pour la Kobongabe, wana naino, moboko evangelisé, ne sika na yangote. C'est dans les fondamentaux. Oui, moboko evangelisé. Il y a premièrement le renoncement aux œuvres mortes. Oui, à misala na kufa. Celui qui croit l'évangile. Oui, à l'église. Et c'est engagé à signer sa licamboyo. Il faut que dans ta vie ça soit réglé. C'est vrai, tu n'as pas moyen de macamboyo ici là. Oui, à misala molili, misala kufa. Misala masumu. Ta vie, ta réaction, c'est de bon, moi, n'ai pas ma femme, vous allez couper, n'a pas n'a pas amen. C'est soit ce que tu avais fait autrement. Mais alors, ça, la qui m'a dit, le cas, l'on te surprend en ce que j'ai fait. Vous allez couper, tu découvres par toi-même. Vous allez couper, mon ami, la méditation de la femme. Tu découvres qu'une certaine chose est mauvaise. Vous ne vas pas chercher à te justifier. Vous ne vas pas relativiser cela. Vous ne vas pas relativiser cela. Tu la condamneras. Vous ne vas pas faire ça. C'est la nature de la foi chrétienne. C'est la réaction naturelle de ceux qui croient. Parce que comme on le verra, on parlera du péché qui est l'extrémité. On continue à faire le mal qu'il faut. Abraham dit que c'est parce qu'il ne croit pas. Ça ne vous étonnera pas. Avec ce que nous sommes en train de dire, ici, quand on va flasher sur cela, c'est un que normal. Cette personne, quel que soit le nombre d'années qu'elle a pratiquées, elle n'a pas encore cru. À partir du moment où il s'accroche encore, on se remonte. Et quand on essaie de nous reprocher, il trouve des justificatifs. Le prétexte, des explications. Oh, mais quel genre de croyant là? C'est une œuvre morte. C'est le ni à justifier, ni à réhabiliter. Mais la question qui l'a fait faire, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Mais comment une chose qui est mauvaise, toi qui te dis que tu es chrétien, tu as fait des années à l'église, des années à l'assemblée, mais tu continues à résister à Dieu. Vous allez kokoba, vous allez vous faire ma cambo. C'est l'incrédulité qui fait ça. C'est le fait que le fondement du renoncement aux œuvres mortes n'est pas le fait. Il continue à être une théorie écrite dans la Bible. Mais pas dans son cœur. Ce n'est pas une parole écrite dans sa Bible. Ça y est ici. Et il lutte pour que ça entre là-bas. Il lutte avec des arguments intellectuels. Et ça n'entre pas là-bas. Ça reste ici dans le lit de la Bible. Mais la parole doit entrer en vous. On doit demeurer en vous. Alors ce que nous disons ne sera plus difficile. La renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux actes de péché. La convoitise. L'adultère. L'impudicité. La fraude. Le vol. L'inimitié. La rancune. Les divisions. La haine. La jalousie. Zua, l'orgueil, l'olendo, la vantardise, umimonita, ce sont des œuvres du ténèbre. On ne peut pas s'imaginer quelqu'un qui a quitté le monde et qui est déjà dans l'église continue à être vaincu par ça, être dominé par ça. Il convoite sans frein. Quelque chose ne va pas. Il jalouse les gens. Conflictuel, rancunier. Il pardonne très difficile. Mais comment tu as quitté le monde? Mais tu es encore dans cet état. Est-ce que tu as vraiment quitté le monde? Bien sûr que non. Saint-Esprit veut t'aider. Bien que nous commençons à aller un peu vite, hein. Le Saint-Esprit veut t'aider. Pendant que la grâce de Dieu vient, ne la rejette pas. Ne somnole pas, mais profite au contraire. Pour revoir ton être intérieur. Le genre de vie que tu mènes. Et tu dis, oh Dieu, aide-moi. Je pensais être tellement déjà avancé. Peut-être plus proche de la perfection. Mais voilà que je ne suis encore nulle part. Et en réalité, il y a encore plein de mondanités à moi. Les fondamentaux de l'évangile ne sont même pas encore les plats. Mais je me suis fait appeler un frère. Je me suis présenté comme étant une grande sœur. Je suis un homme consacré. Mais ces choses mauvaises dominent encore. Je t'ai dit que tu n'as encore nulle part. On l'a dit, même quand il était déjà depuis le temps. Il traitait durement son corps. Il avait peur d'être lui-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Donc être prédicateur n'est pas preuve d'être sauvé. Ce n'est pas parce que tu prêches trop les gens. Ce n'est pas parce que tu reproches les gens sévèrement et qu'il te trouve si spécial et si spirituel et que cela veut dire que toi-même tu es sauvé. Loin de là. Judas aussi a reproché les gens. Il est allé prêcher l'évangile. Mais il était lui-même un démon. Un fils de la perdition. Ne vous laissez impressionner par rien. Je pourrais parler les langues des hommes et des anges. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Avoir la connaissance de tous les mystères. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On peut me tenir la chair avec cette connaissance. Les gens seront debout. Alléluia. Quel grand prédicateur. Parce que tu as une grande connaissance. Tu as pris le temps de le lire. Méditer. Mais si tu n'as pas l'amour divin, tu ne nulles pas. Tu n'es rien du tout. Malgré la chair qui impressionne. Ce n'est pas la preuve que Dieu s'en souvient. Il faut naître de Dieu. Et la connaissance doit être conforme à la parole. Matakita, beta munoko, et qu'on change la parole. Il faut botamanayo. Beta le dit qui, dans le jour beta le dit qui, mission la mission de la parole, mato il a mis son jour au jour. Mais totalement la parole est l'autre jour au ganaté. Pata pata, loba loba, et coco tati. Parce que c'est pas la parole. Désolé, loba, Dieu agit d'après sa parole. Non, mais allez, ça, là, là, toute expérience qui est contraire à la parole. Et à loba, la loba. Loba. Jetez ça à la poubelle. C'est un embrouillement qui vous vient de l'ennemi. Tant que tu veux avoir un grand nombre dans la prédiction, comprenez ce danger-là. Alors ne vous donnez pas un salut d'après vous-même. Mais expérimentez plutôt le salut que Dieu donne. Et Dieu le donne d'après la parole. Votre expérience sera conforme à la parole. Il y aura un soubassement de la parole. Vous expliquez ce que vous êtes allé. Et la manière dont ça vous est venu. Il y aura une base dans la parole. Est-ce que vous dites amen? Vos expériences ne flottent pas à l'air. L'expérience du salut n'est pas laissée au hasard. Elle est basée sur la parole. Car l'évangile lui-même, c'est ça l'évangile de votre salut. L'évangile par lequel vous serez sauvés. C'est cet évangile. Alors le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Je souhaite de tout mon cœur qu'il soit bien posé en chacun de nos enfants. Et ce n'était pas fait que ce soit fait désormais. Que tu réagisses à ta compréhension de ce que tu dis. Et ta manière de considérer l'évangile qui vient à toi. Mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide. Mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide. Tu ne pourras pas marcher vers la perfection si ces fondamentaux ne sont pas d'abord correctement placés. Tu peux commencer à compter le nombre d'années dans l'église. Mais pour Dieu, ça ne veut rien dire. Lui regarde sa parole. Il faut qu'en celui qui croit, les fondements soient posés correctement. Et le premier d'entre eux, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Non pas l'accrochage aux œuvres mortes. Ou la maintenance dans les œuvres mortes. Même pas la continuité des œuvres mortes. Soit disant que ce sont mes faiblesses. Oh, chaque chrétien a ses défauts. Pas ça! Les œuvres mortes, c'est condamnable! L'alcoolisme. Kulangwa, milangwa. Est-ce une œuvre morte? Iyo. Ezali misala ya kufa. Sandeba. Uzanga kuila maloba. Le tabagisme. Ubenda, makaya. Est-ce une œuvre morte? Ezali misala ya kufa. Sans discussion. Uzanga kuila maloba. On ne peut pas continuer ça. Tukuki kukufa na ngote. Tout en s'appelant chrétien. Ubenga maka mokristo. L'alcoolisme. Le tabagisme. Les inimitiés, la complexité. La haine, la jalousie. Zua. L'orgueil, l'arrogance. L'olendo, pekumuna, l'impénitence. Uzanga, la vantardise. L'olendo. Les querelles. Kuswana. Les inimitiés. Uzanga, boyokani. L'impudicité. Kindumba. La pornographie, la masturbation, tout ça ce sont des œuvres mortes. La sorcellerie, la magie, ce sont des œuvres mortes. Et le premier fondement, quand vous quittez le monde, pour venir à Christ, c'est le renoncement. Aux œuvres mortes. Non pas à quelques œuvres mortes. Non, j'ai fait quand même beaucoup d'efforts. Ah, tu confirmes que Dieu n'a encore rien fait pour toi. Si c'est toi qui as fait beaucoup d'efforts, pour que ces œuvres mortes partent, c'est que là, tu n'es pas sur la base de l'évangile. Dans l'évangile, on ne fait pas les efforts pour que les œuvres mortes nous quittent. Mais dans l'évangile, on attaque le mal à la racine. Yango babuli saka mabele mitsana ngo. Ngala makasi ya kosala te. Pour partir les œuvres mortes. Voilà que ni sala te sala te. Il renonce du fond du cœur. Ngala ko boya ngala kati ya motema ngo. Le cœur renonce le corps. Ngala motema ko boya zote ko sala na bobele bongo. Est-ce que tout le monde voit clair? Vous allez comment on a polélé? Quand le cœur renonce, so, qui, autres, si, comment les membres de votre corps pourraient-ils exécuter ce que votre cœur a refusé? Le cœur refuse l'alcoolisme. Mais jamais vous prendre la bouteille de bière pour boire. Le cœur a renoncé. Mais comment les membres du corps peuvent-ils exécuter? C'est la parole du Seigneur. Qui dit Amen. Amen. L'évangile est très facile. Ne dites pas, ah, message est très compliqué. Les gens sont compliqués. Yonde aux agates. Toi tu as aussi un mot à dire. Zambaloboy, tu veux toujours dire, tu as toujours des choses à dire aussi. Quand la parole s'exprime, nous dans la foi, nous disons Amen. Nous faisons nos bouches pour dire Amen à la gloire de Dieu. On dit simplement qu'il en soit. Amen. Ce qui est dit, c'est la parole qu'il en soit. Oh, moi aussi je pense que, moi je trouve que, d'après moi je vois que, la parole parle, c'est la mère. Qui a rien à ajouter à la parole? La parole qui s'exprime, moi je la souffre, Amen. Amen. Amen. Amen. Premier fondement. Renoncement aux œuvres mortes. Renoncement. Kuboya ça veut dire renoncement. Kuboya misala ya kufa. Dites-moi, quand un bébé renonce au lait maternel, est-ce qu'il y revient encore? Donc, il m'a dit kuboya miliki. Libéré ouais maman, à cause de l'amour des sosos. Et pour renoncer au lait maternel, est-ce qu'un enfant fait-il des efforts? On a côté qu'à libéré ouais maman, moi, la salle à ma casse. Dites-moi, vous les mamans. Moi, n'a pas que faire partie qu'elle est ou bien les efforts, c'est toi les parents qui fais ça. Effort, et ça n'est mon bout. Ah, à mon accolé, hein, n'a pas qu'il est libéré. Mais il n'a aucun effort. Il n'a aucun effort à faire. Azali, ma et Dieu est notre père. Zambazali, il est notre parent. Azali, sa parole est notre père spirituel. Il va Azali, elle vous dit ce qu'il y a. Elle vous conditionne. Elle vous met dans les conditions favorables pour que le renoncement opère. Et quand tu prendras cette décision intérieure, Dieu y ajoutera de l'efficacité. Car c'est le temps de Dieu et la parole à la vie en elle-même. Car Dieu te le dit, ça produit les effets. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Les efforts, c'est lui Dieu qui les fait. Il voit le prédicateur. Il lui donne l'inspiration. Il place dans sa bouche des paroles. Il ajoute des phrases. Tout ça, ce sont les efforts du Père pour t'aider. À chaque toi, en toi, les effets de la parole viennent automatiquement. Dieu fournit les efforts. Il s'est choisi un bon prédicateur qui est adapté à ton genre. Amen. Amen. Amen. Vrai. Parce que Dieu, il sait comment il fait. Zambia, il taille ces gens, il dit, il faut des bangos comme on a dit, il faut des bangos comme on a dit, il faut des kilos, il y a 150 kilos. Il faut des pasteurs, il y a 220. Il faut des bangos. Zambe bayedaka yete. Yende asunga kabiso. Solobi amen. Donc il vous amène là où il faut. Mais ma vie, pas une bonne. Et toi, tu vas dire, oh, mais est-ce que c'est ce pasteur vraiment qu'il me faut? Oh, si Dieu a établi les choses comme ça, il ne changera rien. Si tu oses faire autre chose, ça ne marchera pas. Il va te bloquer terriblement et pendant longtemps. Jusqu'à ce que tu reviennes là où tu as abandonné Dieu. Là où tu as abandonné le programme de Dieu pour ta vie. C'est alors que Dieu reprendra la marche avec toi. Souviens-toi de là où tu es tombé. Et répands-toi. Et pratique tes premières choses. Chacun doit rentrer en lui-même. C'est examiné, vérifié. Est-ce que tu avances ou tu réfléchis? Alors repoussez tout ce qui vous tire vers le bas. Amen. Attirez vers ce qui vous tire vers le haut. Repoussez tout ce qui vous tire en arrière. Et donc vous rétrogradez. Mais appréciez ce qui vous tire en avant. Qui vous fait avancer. Amen. Amen. Renoncement aux œuvres mortes. C'est vrai. Première chose. Deuxième chose. La foi en Dieu. C'est toujours un vrai six, non? Parce que ça aide. Et d'aller oui. Motoba, ça pose le niveau de fondement du renoncement aux œuvres mortes. Deux, de la foi en Dieu. Na ça c'est un point doctrinal. Wana ezali, ikamboa moboko. La foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Le Seigneur a dit. Ayez foi en Dieu. Et il a dit Alobi, que votre cœur ne se trouble pas et qu'il s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Vous dites amen. La foi en Dieu. Parenthèse ici. Marc chapitre 11. La foi en Dieu. Je ne sais pas combien parmi vous ont-ils la foi en Dieu. Mais écoutez, mais Dieu le sait. Et même si moi je ne le sais pas. Mais Dieu le sait. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est un ordre, une recommandation. Ayez foi en Dieu. C'est un ordre, une recommandation. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Jean 14, verset 1, quand Jésus disait ces choses, Saul de Tarse était encore un pharisien. En train de se nourrir à l'école de Gamaliel. Il était théologie et des choses. Mais les fils du royaume étaient nourris des paroles de vérité. Jésus parlait au groupe de celui qui était déjà appelé. Il a dit, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est vrai que je suis dit que je suis bondi manzambe, bondi mapengai. Ayez foi en Dieu. Bundimanzambe. Que vous soyez homme ou femme, cela vous concerne. Ça ne distingue pas. Tous doivent avoir la foi en Dieu. Et ça nous aimons vraiment. Il y a un groupe de croyants, des gens, des hommes et des femmes dans cette église. Qui ont foi en Dieu et qui croient au Dieu à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible à lui. Et ayez foi en lui. Oh Jésus. Voyez les femmes comme Sarah. Il est écrit ceci dans 1 Pierre 3, verset 5. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Zambi kala kala basi na bule baoyo alika ki na nzambe bami embela ki nzoto bongo wana etosaki bango mipali na bango. Elle ne cherchait pas à paraître belle par des moyens extérieurs. Amane komi lukate komi komi sabonzenga na makambo alibanda. Donc chercher à se rendre belle par des moyens extérieurs artificiels du magasin, ce sont des œuvres mortes. Oluka komi komi sakitoko na makambo ya alibanda ezali misala ya kufa. Et lui qui vient à l'évangile renonce à ces œuvres. Oya sango malamu akoboya misala ya kufa. Développer la meilleure foi en Dieu. Ona kokoba kondima wa malamu kati na Nzambe kokenza ngoli boso penza. N'est-ce pas vrai? Zali bongo. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que je viens de dire? Les femmes là qui espéraient en Dieu. Prenez ici. 1 Pierre 3 là. Mettez-nous un peu là. La parole de vie. Nous allons comparer avec le français. Au verset 3. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Je veux que des frères croient ça et le servent aussi. J'ai dit des frères parce qu'il y a des frères qui veulent que leurs femmes puissent se maquiller, mettre des choses du monde. Vous croyez par la parole et vous trouvez le monde. Votre côté ne doit pas être extérieur. Coiffure compris. Bijoux en or. Wolo. Robe trop élégante. Kulata ba. Mettez le français courant. Verset 3 toujours. Botia molongo bisato bele na ndimolo babengi français courant. Est-ce que l'église peut lire à ma place? Église a quoi tanga les sikana ngai? Bomikomi sabonzenga te na makambo alibanda. Est-ce que c'est frère David qui a écrit ça? Les alliés de Kodavi la Sigo Kumayango pour lui. C'est le tabernacle chrétien qui a écrit ça? Les alliés Mongomo la Christo, Nesilo Kumayango. Maintenant, on vous interdit ça. Vous, vous entêtez. Parce que vous ne croyez pas. Vous allez Koko, va pointer, vous allez condimater. Vous ne croyez même pas la Bible. Vous allez condimater. Mais vous ne croyez pas la Bible? Vous allez continuer à vivre à Dieu. C'est la Bible qui est Dieu. Vous allez vivre à Dieu. Ayez foi en Dieu. Dieu, il est la parole. Vous allez vivre à Zambé. Vous allez vivre à Tangao. Bolukate, komikomisa, bonzenga, na lolenge ou alibanda, na misale ou alibanda. Lolenge, na mea kobung sabasuki, na biloka mato ya olope, na bilamba ou akito komingi koleka. Bolukatate. Et ça la sa souci na yote. Na koma kitoko nene. Ndenge zamba ke la yo sa deja kitoko. Likambo ya koluka bote alibanda. Oluka suke nini libanda komi su kitoko. Et ça la kana mitu abandi mite. Et ça religion a bisote. Jari a bisote. Kaka nengo za gawana. Zamba sa sa liyo merveilleux. Osa kitoko. Yambo sama. Naturel. Dulegi na yambo sama. Ma sœur, balobi amène bangono sauté. Oh, Allez, kaka. Mais bisou, tu vas changer les lotés. Au moni, écurie des incrédules. On est allé tonga, va te faire un condiment. L'association des incrédules du tabernacle des chrétiens. One. Zamba, zo, créé église, naïe. Bamisou, va zo, fonder ma association. Occulte et suspecte. Oui, à mon lit. Association, mon compagnie. Bloc des incrédules. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Moi, j'ai lu maintenant aussi pour vous. Et pour ceux qui écoutent. Pour ne pas vous dire. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs. Bon, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Mais comment est-ce que tu chemise? Chemise, il y a un peu de temps. Est-ce que ça a même un sens? Est-ce que chemise, il y a un peu de temps? Zamba, quel est-ce que tu as fait beauté? Mais chez mes gens, vous fabriquer, n'y a personne beauté. Quelle conception des choses? Je l'ai dit à ma oh, ce côté, ma boucle d'oreille, yawa. Ce côté, moi, n'y a pas de moutou. Et le coup, ma touille. Ce côté, moi, chez l'état, on a le boc. Ce côté, et puis, monsieur, bien, hein. Oh, ce côté, tant que l'inette, n'a élongi, n'est, élongé, bongi. C'est faux! Et là, le coup, ça. L'inette est belle, ça gagne, non? Mais comment les collègues? Vous voyez? De temps en temps, moi j'allais. Il ne faut pas penser que ce côté lunette il est longue bourgie. C'est quoi ça? Quelle façon de croire ça? Le lengeni n'a qu'on dit ma boue. Zambo a salé que l'ongouana a bongi sa gangote. Lunette il moutoua sala et pas souka de polaga, n'est-ce pas bongi selon? Jamais. Vous voulez vous moquer de Dieu? Ça n'existe pas ça! Et ça, il est à la caté, il est cambouana. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as fait, une créature. Oh, qu'on a un salon de, bah, qu'il ne peut pas y aller. Et puis, il y a des sœurs qui appuient des bêtises comme ça. Non, bah, qu'on ne sait pas bon, c'est longue. Bah, qu'il ne peut pas y aller. Bon, il y a bal. Donc, il y a longue, on est jamais, mon balle, on prend un longue, on a, à mon égard, on est bien fait, il y a mon aponi, à Tigami, à quel peu ça va d'autre, hein, on est longue, il va bien. Vous pensez vraiment ça? Mais pour un jour, à cause des cérémonies, c'est longue. Et puis ça prend tout le temps vraiment. Jusqu'à scandaliser le pasteur qui attend l'heure de la réunion. Pour la réunion, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont bien, jusqu'à 18h30. Est-ce que ça ne va pas? Est-ce qu'on a besoin de tout ça pour vous bénir? Vous en avez besoin d'un autre, on a pour la copain pour la bino. Le pasteur a-t-il exigé ça pour venir? Là? Le mariage? Mais non, vous l'avez fait pour vous plaire à qui? Vous savez qu'on a pour la cause de personne. Vous servez à l'eau qui n'est pas là. Et comme le pasteur a bien là, vous avez besoin de téléphone ici. Vous pouvez vous donner un samba cynique. Et si vous causez scandale, il y a une cérémonie qui va bien, vous ne savez pas, introuvable. Vous allez comment on a bangoté? Nous, on a gagné le salon. Frère a gagné salon, frère pas gagné salon. Mais frère a gagné le salon. Salon, il va mettre un rétro en bouquet, ce qui n'est pas tout, à Biba. Oh, il s'ajoute dans le monde. Vous connaissez les gaillotes? Dites-moi, les autres jours, les gaillotes, les gaillotes, les gaillotes, les gaillotes, les gaillotes, les gaillotes, ça n'a pas de sens. Toutes ces œuvres mortes doivent partir. Et ça, la nôtre, la coupe, c'est une légende. Séparez-vous, c'est l'évangile. Dieu vous a fait merveille. À ce que Dieu fait, nous n'avons rien à ajouter. Non, ne cherchez pas à vous rendre belle. Vous voyez, par des moyens extérieurs. Vous voyez que si un homme est efféminé, il va chercher. Il sera même coupable de ça. Est-ce que moi, je ne vais pas aller normal? Jamais. Vous voyez, c'est l'église, vous voyez, entre Bissot et Nabomoto, parce que la nature nous enseigne. Bissot, vous voyez, c'est un peu batoli. Est-ce que mon bali, vous voyez, vous voyez, c'est un peu normal? Vous voyez, c'est un peu normal. Vous voyez, c'est un peu normal. Vous voyez, c'est un peu normal. Vous voyez, c'est un peu normal. Vous voyez, c'est un peu normal. Vous voyez, c'est un peu normal. Vous voyez, c'est un peu normal. C'est un pervers, rien de crédible là-bas. Oh là là! Frère Branham dit que ce sont les femmes qui ont soif d'être jolies. Amen. Parole orientée, yango, ezala kitoko, ya ezalini. La beauté de caractère. C'est ce qui suit. Écoutez. Vous allez prendre belle par le côté comme vous avez la vitale la libanda. Comme la façon d'arranger vos cheveux. Le lenga go bonga soki na. Quelqu'un qui se dit chrétien croyant. Vous allez pour le il pense que la manière d'arranger les cheveux. Vous allez les rendre belles. Yango go comme ça vous zenga. Quelle rétrogradation. Wana kozonga simaneni oyo. Est-ce qu'on est à foi vraiment la chrétienne? Vraiment! Toi un frère, toi une sœur, tu peux croire que tu es un frère. Écoute cette année dans le message. Tu penses encore que le lenga au commissaire Soubi n'est pas un frère. La Bible contredit ça. Bible est allée côté les mille ans. Ne cherchez pas à vous rendre belle. Vous l'avez comme ça, par des moyens extérieurs. Comme la façon d'arranger vos cheveux. Les bijoux d'or. Il a quoi holo. Cette façon d'arranger ce modèle-là que tu es en train de rechercher. Le lingo zali ko lukawana. Et où tu n'as Bible, toi, va tomber qu'il n'y a pas inventé. Dans mon Bible, il y a un moyen extérieur. Bien que basse moi, il y a un yo. Babon, il y a yo, wana. Mais et où tu libanda? Et ça, s'embête. Et où tu libanda, n'a pas toi libanda, bat-toi mouki. La façon d'arranger vos cheveux. Le lingue à Kobong Sasuki. Les bijoux d'or. Ok, on va mettre un magasin. Yango yao. Moyen extérieur. Ou les vêtements élégants. Tobi lamba, ou ya kitoko mingi. Oh, des oreillers mikoloyo. Est-ce que mon iba griffe à mikoloyo? Griffe. Ah, bête, ça va griffe à ouais. Kaka na malembe ouane, ma bête, ça va griffe. Même les quatre églises, il y a un langage à faire. N'a cessé. Parce qu'ici, n'a pas médisant. Frère, t'es la paix, t'es la griffe. C'est Rouana, Azaka toujours à la page. Il y a là, t'es la mode. Hein? Il y a des religions qui tiennent, il y a l'église et la mission. Religions qui tiennent. Azaka, Azaka fashion. Hein? Oh, mes chers amis. Amiga. Ne cherchez pas ces choses-là. Les griffes. Oh, il y a mon désoreigné. Mais langage ouana parmi les chrétiens. Comment c'est entré parmi dans la bouche des chrétiens? Na katia mon kwa mon Christ, écoute le lengue ni le veli wana. Oh, ma yasika, il y a mon désoreigné Nicoloyo. Et les chrétiens aussi entrent dedans. Mon Christ, ami, écoute ici na katia. Dans les mayasika, dans ce qui règne. C'est la parole de Dieu qui règne tout le temps. Nous allons le voir ensemble, nous allons le constater. Notre Dieu règne, nous sommes fiers de lui. Nous allons le constater, nous allons le lendo kuna yeye. Il nous coule, il y a quand on le pepe wana bolanda katia. Suivez le guide de la parole. Olanda mutambu siwa liloba. Hein? Le verset 4 c'est suivant. Molongo ya mine yo na. Recherchez plutôt. Boluka. La beauté de quoi? Bonzenga oyo ya bomoto ya kati. D'un côté on vous interdit de chercher la beauté par des moyens extérieurs. De l'autre on vous recommande. De rechercher au contraire. Boluka. La beauté de l'être intérieur. Bonzenga ya bomoto ya kati. La parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Comme moi, nous savons que ça m'a gâté à mon lit, moi, pour le faire qui m'a. Qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Vous allez la montrer à mon aîné, la mise sur l'ensemble. Dans la prédication, la soif. Propre nom lit, à nos soeurs. Je sais que vous avez soif d'être joli. Mais si vous voulez être joli, voici la réponse et la solution. C'est ce verset ici. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur. La parure impérissable. Oui, un esprit doux Ayez la parure de l'homme intérieur qui se reflète à travers votre caractère. Que vous soyez une sœur qui a un esprit doux. Vous êtes vraiment une sœur douce, hein? Les fils de Dieu ont besoin de ce genre de femme. Épouser une femme qui a un esprit doux. Et aussi une femme paisible. Je pose une question directe à nos frères. Qui de vous célibataire aspire à épouser une femme querelleuse? Répondez sans honte. Levez les doigts. Dans vos critères, vous avez mis la femme doit être querelleuse. Levez les doigts. Regardez, vous laissez regarder ici. Personne. Papa, ça m'a rendu. On dit, toute femme célibataire est une femme qui cherche un mari. Moi, si je suis un mari, je ne sais pas. Pour attraper un homme, on dit, les femmes se font des anges. Basti, va comme bien, comme ça, quand des anges. Pour n'avoir qu'un mobile, mais quand tu apportes ça, n'avoir qu'un mobile, ami, comme ça, par jour. Une fois qu'au ponyé, il y en a avec un cercle spirituel, consacré aux choses de Dieu, des grands alléluia à l'église. Des danses en esprit et tout. Au Bali, cérémonie Sili, ça y est. Allons guinaye, allez. Récréation ici. Makamwe bandi. Makamwe salinini. Bandi si koyo. Na fiancé bako banga po, bako yako buka fiancé. Mais, une fois na kati. Alia fese na la kiti. Mokili témoin, zambé témoin. Oko se sonan. Ngaide mwachi na yo. Mingi makame banda kalulenge wana. Pe ukende mabeko bakisa maka. Quand vous arrivez à la crise de vieillesse. Tango boko koma na mununukuna. Après les 45 ans. Asima ya mibutu kumine na mitano. Le divorce de jeune femme. Une issue normale. Ukabana ekobi lokola nzela uyu ifeta mizela idalima. Bon après tout ça. C'est normal que maintenant bon ça suffit. Bana pe bakoli. Bon. On peut chacun faire sa vie. Or, ce n'est pas ça la parole. Vous vous mariez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu dis amen. Oh, la beauté qu'il vous possède ça. Y a-t-il une soeur qui croit ça? Tu crois ce verset ici? Et qui désormais renonce à toute méthode, toute stratégie. Hein, tout ça, chercher la beauté par des moyens extérieurs. Les idées qu'il y a en elle, c'est qu'en faisant ces choses-là, elle devient belle. Mais en restant telle que Dieu l'a faite, en restant naturelle, elle est moche. Elle n'est pas belle, elle est laide. Ce genre de mentalité, vous devez refouler ça. Prenez les pensées de l'évangile. Vous êtes beau tel que Dieu vous a vous êtes beau de par la nature que Dieu vous a donné. Amen. Ici, il y a une beauté à rechercher. C'est celle que la première nature nous a privée. Parce que nous sommes nés dans les péchés. Venus au monde à préférer le mensonge. Nous sommes nés faussés mauvais. Et notre monde nous a mal influencés. Il y a une beauté à rechercher. Celle que la nature nous a privée. C'est la beauté de caractère. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous venons à l'évangile, il nous apprend à chercher la vraie beauté de la vie. La vraie beauté qui nous manque. C'est la beauté de caractère. D'être doux et paisible. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Une réponse douce calme la fureur. Mieux vaut un esprit doux. Malamo, molimo, qu'un esprit hautain. Les l'écriture dit cela. Il nous faut un esprit doux. Et que cette douceur soit connue de tous les hommes. Êtes-vous connu partout comme un homme doux? Oui, il y a une douceur d'apparence. Il y a une douceur d'apparence. Il y a une douceur d'apparence. Il y a une douceur d'apparence. Mais il y a des choses que l'on peut faire qui vont dévoiler ta vraie nature. Il y a une douceur d'apparence. Il y a une douceur d'apparence. Comme Frère Jonas Petre ici. Daline de Kodjola Kagoko Tala. Frère, êtes-vous doux? Batunien de Kozali Motra Popolo, alobi Iyo. Oui, frère, regardez-moi. Iyo, Tala, vous allez comme mon athée. Dans un aspect à Batouaba, Batoubopolé. Et imaginez seulement l'occasion de rien. Il y a un Likambo, mon côté. Au Kumika na portail, on est à la sortie. Un frère sort seulement de là. Azoka chemise. Réaction. Vous avez une Akozung Samakambo. Tobimika Kawa. Jonas, chemise qui? Qui fait ça, un frère? Akati, chemise en déco. N'a pas salé en monde comme balé. Réaction. Comment il va réagir? Akozung Samakambo. C'est ce qui nous dira s'il est doux ou pas. Yangwe, go tchèque, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, t'as dit, Bamakambo pasteur kako ya kataka, boutou boutou. 23h, 2h du matin. Téléphone est sonné. Makambo yingi. Hein? Kaka bisson, ouais. N'est-ce pas faire la kaboui? Imaginez. Si vous regardez l'apparence, vous pouvez être sauvé. C'est pour ça que la Bible dit que c'est Dieu qui connaît le cœur. Il dit parle de kosaka trop. Et l'écriture dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice est ici dans la parole. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Le fondement. Moboko. Hébreu chapitre 6. Ebele, Mokapa, Motoba. Nous poursuivons. Vous allez Kokoba. Assez rapidement maintenant. Oh. Alombango. Le temps est presque fini. Tango, t'il kouleka. Miséricorde. Est-ce qu'il y a une aussi, c'est Makamboy? C'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment pas. Donc, okay. On se laissera, on verra ce que Dieu va faire. Donc, verset 2. C'est la foi en Dieu. Nous voyons qu'il faut avoir la foi. Et Dieu, il est la parole. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit Dieu pendant qu'il doute de vérité de la Bible. La vérité de la parole, il conteste ça. Celui-là ne croit même pas Dieu. Et il croit en Dieu. Dieu vit dans cette parole. Et cette parole, c'est lui sous forme de livre. De la doctrine des baptêmes. Donc on ne peut même pas arriver à la foi en Dieu pour ceux qui n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Tant que les œuvres mortes se mêlent à votre vie, vous n'avez pas une foi correcte. Même la foi dont vous témoignez, c'est une foi qui n'est pas correcte. Vous développerez une foi correcte après que vous ayez renoncé aux œuvres mortes. Parce que sur le chemin de cette foi-là, dans votre propre vie, il n'y a aucun obstacle pour la souffrir. Aucun acte d'injustice, de péché, aucune œuvre des ténèbres qui pourrait remettre en cause votre foi. Et que ça été renoncer d'abord aux œuvres mortes. Ensuite, développer une foi correcte. Une foi qui pourra commencer et aller vers sa perfection. Pas une foi qui commence et qui demain expire. Parce que tu as pris pour un temps dans la parabole de la semence. Une partie est tombée ici, une partie là-bas, une partie là-bas. Voyez ce que le Seigneur a dit. Il y a des gens qui croient pour un temps. Ceux-là n'ont pas vraiment la foi. Parce qu'au bout d'un temps, cette foi s'achève. Il rétrograde et devient autre chose. Il rétrograde et devient autre chose. Oh, Christ est celui qui suscite la foi. Christo, azali mota azali kubandisa kondima. Et si c'est l'œuvre qu'il a commencé. Soki azali mosala asili kubanda. Il l'amène à la perfection. Ako kenda na yango kino na kobonga be. C'est le principe. Wana ezali lolenge wana. Vous pouvez voir que le genre de foi que les gens là ont. Vous avez vu mon aide vous kondima lolenge bato azali kubanda. Azali kuyamba kondima kati na banzube. Qui croit pour un temps. Bani makapona tango moko. Ceux-là qui reçoivent la parole le long du chemin. Awa yamba ka ngiloga na nzela. Ceux qui reçoivent à travers un terre rocailleux qui écoute la parole avec joie et qui succombe à l'air de l'épreuve qui croit pour un temps. Ce genre de la foi là n'est pas vraiment la foi que le Seigneur suscite comme rédempteur. C'est une foi circonstancielle adaptée aux conditions dans lesquelles on avait placé la personne. Dès que ces conditions disparaissent, la foi aussi s'en va. Mais quand c'est le Seigneur en tant que rédempteur, qui vit dans un homme la foi, il est appelé à l'amener à la perfection. Êtes-vous là? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a des gens qui croient juste parce qu'ils ont entendu. Mais ça ne va pas plus loin. Mais si c'est Christ l'auteur de la foi, qui suscite personnellement la foi. L'œuvre qu'il commence, il l'achève. Et cette foi doit atteindre la perfection. Mais vous n'aurez pas cette foi correcte tant que le renoncement aux œuvres mortes n'est pas à sa bonne place. Il faut d'abord renoncer à toutes les œuvres mortes. Passé, présent, futur. Les œuvres mortes passées, présentes et futures. Dans le principe, N-O-N. Non aux œuvres mortes. Connues ou inconnues. J'y renonce. C'est que la parole m'aide à voir que c'est faux. Je ne veux pas discuter. C'est la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est le deuxième fondement. Et de la doctrine des baptêmes. Troisième fondement. Vous voyez comment ça se suit? Un païen, un incrédule du monde, en salle évangile. La première chose, ce n'est pas de lui exiger d'être baptisé. Ne vous pressez pas pour dire, mais nous, on doit se réunir. Ne le bousculez pas. Ne poussez pas les gens au baptême. Le baptême n'est qu'un troisième fondement. La première chose, c'est le renoncement. Voilà comment on a rendu beaucoup de mauvais services aux gens. Les plusieurs sont venus se faire baptiser par intérêt. Vous allez battre si vous voulez pour la litomba. Pour la cause à obélé, mais vous allez battre. Mais comme ça, frère, c'est le cas où vous avez baptême, comme ça, bon, vous voyez ça? On a étudié votre faiblesse. Faible là! Nous sommes devenus des faibles là! On est en train de juger par l'apparence. Et non pas seulement à justice. Au lieu d'inviter les gens à respecter la parole étape par étape, nous voulons ce qui frappe les yeux. À toi déjà baptême. Quelqu'un qui a pris le baptême, qui n'a jamais renoncé à toutes les œuvres mortes, il a fait semblant de renoncer à des œuvres mortes. Vous voulez vivre comme un natifi. Est-ce que la parole a demandé? Est-ce que ça suffit? Voilà comment on a beaucoup de faux frères. Nos frères, il faut que toutes les œuvres mortes, on y renonce. Une expérience de l'évangile. Ensuite, développer la foi en Dieu. Bandisa kundima kati nzambe. Et après la foi en Dieu, quiconque croira, il sera baptisé. C'est le baptême qui suit. Voyez. Alors, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Voyez, après le baptême, il y a l'imposition des mains. Et là, vous connaissez ce que c'est? De la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce sont des fondements qu'on établit dans les croyants chrétiens. Chacun doit commencer par là. Connaître ces choses-là. Parce que voyez frère, mais chacun, homme et femme, il peut s'examiner maintenant. Qui attendait le Saint-Esprit depuis des années. Vous voyez pourquoi des fois il tarde? Parce que certains inspecteurs et les choses ne sont pas encore placées. Les choses sont placées, fais-le-même. Et lui ne va pas vous sceller. Tant que vous pouvez avoir l'onction. Vous n'avez même l'évangile. Vous n'êtes toujours pas sauvé. Vous n'aurez pas les sous avec ça. Vous pourrez avoir l'onction et opérer divers miracles. Chassez même les démons comme celui-là. Mais vous n'êtes toujours pas règle. Il faut que chaque fondement soit à sa place. Le Rédempteur, c'est Jésus. Si vous voulez la guérison, écoutez-le. Si vous voulez le baptême du Saint-Esprit, écoutez-les. Quand j'ai dit la parole, écoutez ça. Nous sommes d'accord? Comme on l'a dit dimanche, pour les affaires encore, ne dévions pas. Restons dans la voie qu'il a tracée. Et que personne ne se suffise en lui-même. Mais chacun se remet en cause. Vérifie un peu si chaque fondement est à sa place. Parce que si ce n'est pas le cas, vous pourrez même vous imposer les mains pour que vous ne le recevrez pas. Mais soyez sûr que vous ne le recevrez pas aussi. Il est un inspecteur. Azali, inspecteur. Il doit se rassurer. Selon sa propre parole. Et que vous aimez les expériences de la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons maintenant pour la prière. Reste avec nous, Seigneur. Le cantique Hosanna numéro 85. Dana, reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent. La nuit s'approche, nos menaces tous, nous implorons. Ta présence divine, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur maître, en toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle sait sans renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, c'est ta main nous délaisse. Satan vainque nous. Tenda sur ses coups, que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Sois que ta main nous frappe pour nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Prions chacun. Yes, yes, na lingi yon, yama kose nanga. Yes, yes, onkolo na ling, kolo yes, yes, mambe kise na ling. Ma batele yesa na lenge ya ma kose inanga o monake o ma na ke pase mege na el kolo sapa nanga ale ngake apesanga bama kate na yo kolo yeso yeso unkolo nani Yonzambe Yesu Kolo nangai nali Musikole Yesu Onkolo nali Ngeya Yamo Onze nanga Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions pour cette soirée, la communion fraternelle, la vérité de l'Évangile, la parole du salut, les fondements fondamentaux que nous avons, pour nous qui entendons l'Évangile, et croyons pour être sauvés. Aide mon frère et ma soeur, à se juger soi-même, car ta parole nous a et si nous nous jugeons nous-mêmes, alors nous ne serons pas jugés. Père Céleste, que chacun essaye de se juger par rapport aux critères de la parole, par rapport aux vérités de l'Évangile, pour voir s'il est vraiment à la page, si son expérience est celle de la parole, si tout est conforme à la parole. Oh Seigneur, aide mon frère et ma soeur, aide toute l'église à ne pas dévier de ta voix, à ne pas quitter ton programme, à ne pas se plaire dans des choses insensées, mais à rester dans ton plan à toi, et vérifier point par point, pour nous rassurer devant Dieu que nous sommes dans les bons. Ô Père, reste avec ton église, même quand nous allons nous séparer, reste avec chaque enfant de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, au nom de Jésus-Christ, prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.